Radio Kiki, la radio faite par et pour les enfants qui se demandent qui est qui. Une production du CTV Média, avec le soutien du musée de zoologie de l'ULB, du ministère de la joie de vivre et de Radio Campus, la radio de la communauté libre de l'université de Bruxelles. Qui Radio qui Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Kiki. Nous sommes la radio des enfants qui se demandent Kiki. Nous sommes des enfants de l'IRSA. Nous sommes 6 enfants dans le studio. Moi je m'appelle Lorline, j'ai 11 ans. Nous allons vous présenter l'émission sur la police. Ah non, Redouane, tu te présentes? Moi je m'appelle Redouane et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 12 ans. Moi je m'appelle Boussra, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle David Cator et j'adore la sirène. Moi, je m'appelle Laurine et j'ai 11 ans. On a été en classe de ferme, on a fait des activités. On a trait la vache, on a bu du lait, fait du beurre. Fait du pain. Et on a aussi monté à poney. On est monté à poney, on a lavé les poneys, enfin, brossé les poneys, mettre les selles sur les poneys. Et on a donné aussi à manger. À manger, oui. Le reportage sur la ferme se produit à la ferme du Monceau à Juzeray. Maintenant, on va s'écouter ce reportage de la ferme. Je m'appelle David, je suis journaliste pour Radio Kiki. Je fais un reportage sur la ferme. La ferme du Monceau, à Juzeray. Comment vous appelez-vous? Laureline. Que faites-vous dans la vie? Je suis venue en classe de ferme. La classe de ferme, c'est où est-ce qu'on peut fabriquer du beurre, où est-ce qu'on peut brosser les poneys, tout ça. On va enregistrer tous les cris d'animaux. Dans la ferme, dans la cour, cochon, vache, chèvre, poule, coq, mouton. Ça fait bizarre d'être à la radio. Moi, j'ai jamais été à la radio. Nous sommes devant la bergerie. Le bouc, il fait pipi sur sa barbe et il attire la femelle. Ici, on est près, on arrive près du poulailler. Le coq, c'est un garçon. C'est comme un garçon. Et la poule, c'est celle qui pond les œufs. Le coq, il chante. La poule, elle caquette pour dire qu'elle pond. Bonjour, je m'appelle David. On va aller près des poules et on s'est trompé de chemin. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Apolline. On est dans le manège de la ferme du Monceau. Et là, il y a un cours qui est en train de se dérouler. Que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante. Que aimes-tu faire? L'équitation. Est-ce que tu aimes fabriquer du beurre? J'en ai jamais fait, donc je saurais pas te dire. Moi, en tout cas, je sais que j'aime bien faire du beurre. Et tu l'as déjà goûté? Oui, il est très bon. Bonjour, Apolline. Je m'appelle Laureline. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de mettre le bridon à lutine. Mais pourquoi? C'est le mort qu'on lui met en bouche qui va nous aider à la conduire. À la faire aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. T'as déjà fait du sport en équitation, toi? Oui, je monte depuis 8 ans ici, à la ferme du Monceau. Oh. Et toi, tu fais un sport ? Je fais la gymnastique. À lire ça ! C'est à Bruxelles. C'est une école en malvoyant et en handicapé et en sourd. Elle est spécialisée pour ça. T'as déjà guidé des ânes ? Oh oui, mais c'est pas facile. Je préfère guider les poneys. Oui. C'est plus facile les poneys que les ânes, oui, parce que... ils écoutent mieux. Moi, j'ai guidé Linda, elle tirait, je me demandais quoi. C'était tu, les ânes? Moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Tellement qu'elle tirait, elle tirait. T'as qu'en fait, j'ai compris, c'est parce qu'on est dans son chemin. Ah, c'est possible, oui. J'ai compris. Moi, je sais faire l'âne, par contre. Vas-y. Et vous appelez comment ? Moi, c'est Johan. Bonjour, Johan. David. Bonjour, Johan. Comment aimes-tu faire dans la vie ? Monter à cheval. Est-ce que tu aimes te balader dans la ferme ? Est-ce que tu aimes soigner les animaux ? Oui. Au revoir les vaches, à bientôt. Au revoir. David. Redouane. Le relis. Dites que la ferme c'est bien ou que... Je me dis que la ferme c'est bien. Je me dis que la ferme c'est bien. Pourquoi c'est bien ? Mais parce que moi j'aime bien d'être à la ferme. Est-ce que la ferme c'est bien ? Est-ce que c'est un bon métier ? Être fermier, être fermière ? Oui, c'est un bon métier. Et pourquoi je voulais dire, est-ce que tu as aimé se promener dans le manège avec les chevaux, faire des exercices ? Oui, j'ai aimé. On a fait aussi du poney. Est-ce que vous trouvez que le poney, c'est bien ? Oui, c'est bien. Parce que je veux dire, tu apprends des choses avec les chevaux. Mais vous vous rappelez que la dernière fois, on a été sur les poneys, on les a nourris, on les a brossés ? Oui, je m'en souviens. Évidemment, je me rappelle. Il a fait aussi froid à la ferme. Ouais. Il y a eu de la neige, il faisait froid. Dans ce froid implacable, il y avait aussi de la neige. Que je viens de dire, Krishmout. Et on a aussi, on a fait de la luge. Monsieur Pierre a répondu à notre interview quand il y avait du vent. Il y avait du vent et on s'entendait très très mal. Alors ici, il y a beaucoup de vent. Il y a de la neige. On est en train de jouer avec la luge. Et on s'amuse très bien. Pour faire de la luge, il faut, si on est à deux, se tenir comme il faut à la taille de l'autre. Oui, encore quelques conseils. Si vous voulez avoir de la sécurité, il faut être avec un adulte. Mais si on ne veut pas, on n'est pas obligé. Je préfère avec adulte. Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je m'entends très mal parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors, on s'amuse très bien et tout ça parce que tout le monde est en train de faire de la luge et si quelqu'un veut me donner quelques conseils, il peut. Pierre, est-ce que t'as des conseils à donner ? Oui, alors déjà, bien s'asseoir au milieu de ta luge pour ne pas être déséquilibré. Ensuite, toujours être dans l'axe de la porte. Ne jamais aller de travers parce que sinon on se retourne. Et troisième chose, c'est de suivre les lignes déjà tracées au sol. Alors ça permet d'aller un petit peu plus vite. Alors Laureline, est-ce que tu aimes être ici faire de la luge? Ouais. Ça fait une sensation forte. Tu descends et tu vas de plus en plus vite, toi. Il n'est pas encore descendu. Moi, je veux bien réessayer avec l'enregistreur pour voir ce que ça fait. Ça fait bizarre d'avoir le micro sans se tenir. Ah. Alors, je vais remonter. Alors, je vais suivre les traces du traîneau. Je vais remonter. Et alors, je vais interroger les autres. Je vais remonter parce que je vais essayer de... En fait, je suis les traces du traîneau. Voici la chanson de Marie-Louise. Redouane, c'est qui Marie-Louise? Marie-Louise, en fait, c'est la femme de Monsieur René. Et qui est Monsieur René? Monsieur René, c'est le prof de musique et de chorale. Et pourquoi vous avez écrit une chanson dessus? En fait, Marie-Louise est à l'hôpital et Manon est sortie de l'hôpital. Tu peux nous la chanter? Marie-Louise, Marie-Louise, Marie-Louise. Voici la chanson de Marie-Louise. C'est un très fort. Marie-Louise! Marie-Louise, je pense à toi. Je t'attends patiemment. Moi, je chante de tout mon cœur pour que tu sois de bonne humeur. C'est très fort. Marie-Louise. Marie-Louise, je pense à toi. Marie-Louise. Marie-Louise. Marie-Louise. Marie-Louise. Marie-Louise, je t'attends patiemment. Marie-Louise. David, émite-nous la sirène. Oui. Pourquoi on est ici? Pour faire une émission de radio sur la police. Maintenant, on va écouter l'interview de Thierry. C'est qui Thierry? C'est le policier qu'on a été voir à Rixensart. Voici le reportage sur la police. David, peux-tu m'imiter le coach, s'il te plaît? Alors maintenant, je propose qu'on écoute l'interview de Thierry. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Thierry Van Nuffel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis policier. Où ça? Alors, à la zone de police de la Mazrine, qui regroupe l'Anne, la Hulpe et Rixensart, en Brabant Wallon, pour être tout à fait complet. Est-ce que vous portez toujours des uniformes? Normalement, oui. Je dirais à 90%, je porte toujours un uniforme. Quand j'étais à la police de Molenbeek avant, puisque je viens de Molenbeek, là, on avait même des patrouilles en civil la nuit. Pour passer plus inaperçu, parce que voilà. Quand vous faites une intervention, portez-vous un gilet pare-balles? Moi non, mais les interventions qui font l'intervention tout le temps en ont dans le véhicule et le portent. Maintenant, c'est nouveau, enfin depuis quelques années, le portent presque tout le temps. Est-ce que vous contrôlez les gens qui sont pas sympas avec nous? contrôler les gens qui sont pas sympas avec moi. Donc si je devais contrôler tous les gens qui disent qu'ils aiment pas la police, j'arrêterais pas. Donc je ne contrôle pas tout le monde, surtout si la personne n'a rien fait. Donc je ne peux contrôler quelqu'un que si il est suspect de quelque chose. Je ne peux pas contrôler quelqu'un parce que sa tête ne me revient pas. Il y a des règles. C'est quoi les règles chez vous ? Eh bien, donc les règles à la police, c'est qu'on ne contrôle qu'une personne. Par exemple, s'il y a un vol et qu'on dit qu'il y a un suspect qui fait 1m80, qui a les cheveux noirs, un bouc et des lunettes, on va contrôler les gens qui ont plus d'1m80 avec des cheveux noirs, des lunettes et un bouc. On ne va pas aller contrôler madame de 40 ans qui est à côté ou un monsieur qui n'a pas de bouc, pas de lunettes et qui a les cheveux blonds. Des lumières bleues de cauchemar, bien trop de flics, trop de contrôle. Personne dehors, peur de quoi? Ce monde malade, j'en ai marre. Il se peut bien qu'un jour il sorte. Contrôler des plaquettes, des plaques d'immatriculation. Alors là, ça tout le temps. C'est le meilleur moyen de savoir si la plaque est signalée volée, qui est le propriétaire, et de pouvoir identifier la personne qui a fait une infraction ou qu'on veut contrôler. Donc d'office, quand il y a un contrôle, s'il est en voiture, on contrôle la plaque, toujours, d'office. Bouchra, c'est quoi une plaque d'immatriculation? Redouane, c'est quoi une plaque d'immatriculation? En fait, c'est une carte pour les voitures. Une carte de... d'identité. Ah ah. D'identité. C'est une carte d'identité de voiture. Est-ce que vous êtes obligé de contrôler les plaques d'immatriculation des véhicules? Ben, c'est plus simple pour savoir qui est dans le véhicule. Si tu veux contrôler un véhicule, on passe la plaque. Comme ça, on sait déjà si la plaque est signalée volée, si la voiture est signalée volée ou non. Et avec un peu de chance, si ce n'est pas une voiture de société, on a l'identité du conducteur. Est-ce qu'il y a un ordinateur dans le véhicule de police? Comment vous voyez que vous savez que c'est une plaque d'immatriculation volée? Alors, on a la radio, on note la plaque d'immatriculation, par exemple, ici chez... ton ami, c'est 1ABC003. À la radio, je demande un contrôle plaque depuis tel lieu. Je dis 1 Alpha Bravo Charlie 003. C'est l'alphabet, c'est le même alphabet employé par les militaires et par en aviation. Donc on ne dit pas ABC, on dit Alpha Bravo Charlie 003 et on demande à qui appartient l'immatriculation. Et au dispatching central, là, il y a des gens qui travaillent tout le temps au téléphone et qui qui passe pardon, la plaque à l'ordinateur et qui nous donne le propriétaire de la marque d'immatriculation. Donc on fait tout par radio. Si on a des problèmes radio, on utilise le GSM. Mais on n'a pas d'ordinateur à bord. Je crois que ça coûterait quand même relativement cher d'équiper toutes les voitures d'un ordinateur. Donc ce n'est pas encore, à mon avis, au budget du ministre. Il se passe qu'on nous montre une radio, comment elle fonctionne, et Thierry va nous faire écouter. Mazine Romeo pour 889. 889, Mazine Romeo, t'écoute. Oui, désolé, c'était juste pour faire écouter aux enfants la radio, donc on va pas durer trop longtemps. Merci de m'avoir répondu et dis un petit mot. Je veux bien, mon grand, mais je suis en audition pour l'instant. Ouais, désolé de t'avoir dérangé, merci. C'est lui, ça c'est la radio. Et normalement, maintenant, je l'ai fait en interne avec mon collègue, mais comme il est en audition, il ne sait pas parler. Mais normalement, ici, c'est à Ronivelle, et donc ça couvre tout le Brabant wallon. Ça parle. Ah. Et je pense que tu as une autre interne en attente. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle Siwal. C'est eux qui communiquent avec les équipes d'intervention. Oh ben je te remercie. Nous sommes à nouveau disponibles. Voilà. Ça, c'est une équipe d'intervention, je n'ai pas entendu d'où elle appelait, qui demandait s'il y avait encore des interventions. Et donc, la centrale leur dit non, vous n'avez plus rien en attente. Et donc, ils sont à nouveau disponibles. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire... Disponibles. Pourquoi ils peuvent vous communiquer de ce qu'ils sont? Comment ils peuvent vous communiquer de ce qu'ils sont? Non, quand il y a une mission, en fait, la centrale, là où il y a tous les enfin, où le 101 arrive, le 101 arrive, numéro d'appel d'urgence, s'il y a un vol, par exemple, ils disent, voilà, sur la zone de la Mazrine, il y a un vol, je sais pas moi, rue de la Hulle par Rosières. Eh ben, la patrouille dit, ok, moi je prends. Donc, ceux qui sont sur le terrain en voiture disent, moi j'y vais. Donc, il va rue de la Hulle par Rosières, il va constater le vol. Quand il a fini... Il dit, voilà, j'ai terminé, PV sera dressé, il dit un peu ce qui s'est passé ou autre, et il dit, j'ai terminé. Et donc, la centrale sait qu'il a de nouveau libre. Donc, on doit toujours dire où on est et ce qu'on fait, c'est toujours mieux. Et en même temps, c'est pour notre sécurité. Parce que si jamais on ne répond pas, il y a un bouton d'arrêt, il y a un bouton d'appel d'urgence, de toute façon, on peut appuyer, on sait où on est, on doit se loguer, c'est-à-dire qu'on doit s'identifier quand on prend la radio, dire, voilà, on est en service. Et on doit se déloguer quand on part. Comme ça, la centrale sait que sur la zone de police d'Amazrine, il y a deux ou trois équipes sur le terrain, il y a autant d'agents de quartier, etc. Et donc, si jamais on a un problème, on peut faire appel avec la radio. Minuit, toute la ville dort. Seule une voiture circule. C'est la voiture 27, la patrouille de nuit. Soudain, un appel très important. Centrale appel voiture 27. Prière de nous apporter un sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, deux boudins noirs et trois sachets de frites. Au revoir. Appel voiture 27. Renouvellement commande. Un sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, deux boudins noirs, trois sachets de frites. Au revoir. cet appel central. Nous confirmons commande. Un sandwich de jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs de fromage, un pistolet au pâté, deux boudins noirs et trois sachets de frites. Over. Et la voiture 27 rentra au poste. Bilan de l'opération. 30 contrôles d'identité, 2 arrestations et 1 sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, 1 pistolet au pâté, 3 sachets de frites. Est-ce que vous faites la même chose que les femmes? Que les femmes policières. Les hommes et les femmes policiers font le même travail, oui, bien sûr. Il n'y a aucune différence. Mais elles ne sont pas là, les femmes, aujourd'hui. Et pourtant, ici, il y en a beaucoup. Hein. Donc, Mais elles ne sont pas là parce que toi, tu es là. Ben oui, moi, je suis là, mais je veux dire, des femmes, il y en a autant. Il n'y en a pas autant que des hommes à la police, mais il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas combien de pourcentage, mais à mon avis, au moins 40%. Ici, rien que la division, on est 15 et je vois déjà... Je crois qu'il y a au moins 6 femes. 6 6 ou 7. Donc c'est presque déjà presque la moitié ici. Quand utilisez-vous votre sirène? Alors on utilise notre sirène quand on est appelé en mission urgente. Là on met la sirène, on met le bleu. Ça veut dire qu'on est appelé sur un vol en cours, sur une agression, c'est pour toutes les missions urgentes. Parfois on coupe, c'est très rare, on coupe la sirène, on laisse que le bleu. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais des fois, en nuit, on arrête la sirène, on laisse le bleu pour aller sur un vol en cours. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, mais vous n'avez pas mis votre sirène ?» Ben non, parce que si on met la sirène, le voleur, autant lui dire, lui lancer une invitation pour lui dire qu'on arrive. Donc, des fois, on ne met que le bleu, mais c'est très rare. En général, on met bleu et sirène dans les cas de mission urgente uniquement. On ne peut pas mettre ça à un autre moment. Ou alors, je l'emploie la sirène et le bleu. Quand je veux contrôler un véhicule, je passe une plaque, comme j'avais dit tantôt. La plaque est signalée volée, je mets le bleu et la sirène, je fais des appels de phare pour qu'ils se rangent sur le côté, en espérant qu'ils se rangent, sinon c'est une poursuite. Et s'ils se rangent, ben pour contrôler le véhicule. S'ils ne se rangent pas, je le poursuis en espérant l'arrêter plus loin. Ben, le moins loin possible. Parce oui, mais que... s'ils continuent jusqu'à... Je sais pas moi, jusqu'à... Jusqu'au château de la Hulpe. Ça, c'est pas encore très loin, ça. Ah, et donc, tu peux pas contrôler? Si, bien sûr, on le poursuit et on essaye de l'arrêter. Et bien sûr, en même temps, on prend notre radio de bord et on appelle des renforts. S'il va vers le château de la Hulpe et après il va vers le Ring et Bruxelles, on peut demander des renforts à Overijse, à Bruxelles, à... Etterbeek, Woluwe et compagnie, ainsi qu'à... Linkebeek. Oui, Enzovoort, comme disait l'autre. Est-ce que c'est obligé de mettre sa sirène quand on veut contrôler un véhicule? Mais quand on contrôle un véhicule, si on met la sirène et qu'il s'arrête, on contrôle le véhicule, là on coupe la sirène parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, c'est pas bon pour les oreilles, et donc automatiquement on laisse le bleu. Comme ça, les gens voient qu'on est occupé à contrôler un véhicule. Si on contrôle quelqu'un de suspect, je peux parfois m'arrêter à des endroits où tu peux pas t'arrêter, ou mettre une roue ou deux sur le trottoir pour ne pas gêner la circulation, et donc on laisse le bleu pour signaler aux gens qu'on est en contrôle, et que donc on ne restera que le temps du contrôle. Quel outil utilisez-vous pour arrêter les bandits? Quel outil j'utilise pour arrêter les bandits? Oui. Ben une fois que je tombe sur un bandit ou quelqu'un, disons, pas toujours un bandit, mais quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et que je dois l'arrêter, je lui passe les menottes. Ça, c'est la première chose. Puis je l'emmène dans mon véhicule et je le ramène au commissariat central pour qu'il soit auditionné, qu'on l'entende. Ouais, mais comment alors tu vas le ramener dans ton véhicule puisque c'est... Ben écoute, si la personne n'est pas armée, je vais... La toucher. Je peux employer mes mains, je peux employer... Oui, mes mains pour l'attraper, pour le mettre au sol et pour lui passer les menottes. Je peux employer, s'il est un peu plus violent, un spray, c'est-à-dire un gaz à base de poivre qu'on met dans les yeux et en général, la personne... Fais-moi le malin. Ou la matraque. Mais bon, la matraque, ça peut occasionner des blessures. Donc, il faut être prudent avec la matraque. Ouais. Si la personne, comme le collègue de Bruxelles encore ce week-end, si la personne a un couteau, ben malheureusement, ça peut mal terminer. Voilà. Mais sinon, je vais employer les moyens adaptés. C'est la loi sur la légitime défense. On doit employer les moyens proportionnels à l'attaque. Ça veut dire que si quelqu'un se rebelle avec ses poings, on doit employer nos poings ou un gaz incapacitant, mais on ne peut pas employer notre arme. Malheureusement, comme à Bruxelles, samedi ou dimanche, si la personne est avec un couteau, c'est une arme, et qu'elle ne lâche pas malgré les sommations, ben on est en droit d'utiliser le pistolet. Pourquoi? Avec les conséquences que ça a. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des femmes bandits? Oui, hein. Oui, hein. Mais pas plus de commentaires, non. Sinon, je vais me faire tuer par mon épouse. Racontez-nous une histoire avec les femmes bandits. Les femmes bandits? Oui. Avec une femme bandit. Ici dans le coin, ça va être dur. Sur Bruxelles, je parle Bruxelles en général, hein. J'en ai une qui était connue pour différents vols et autres, et donc on l'a arrêtée comme un homme. Il valait mieux d'ailleurs parce qu'elle a mordu mon collègue à sang. Ah oui, non, elle n'était pas à prendre avec des pincettes. Donc quand je dis qu'on l'a arrêtée comme un homme, on a quand même dû lui donner quelques petits coups pour la calmer parce que franchement, elle était assez harte. C'est rare, hein. Ah, oh, ça c'est fait rare. Mal. Oui, mais elle, mon collègue mordu au sang, ça faisait mal aussi, c'est dans le temps. Quand un gendarme rit dans la gendarmerie, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Quand un gendarme rit dans la gendarmerie, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Un beau sifflet, un beau bâton, un beau képi. Mes amis et moi, nous sommes tous des grands enfants. C'est bien ça toute la journée. Entre nous, on rigole tout le temps. Tenez, justement, hier soir, on s'est caché dans les feuillages, histoire d'attraper tous ceux qui doublaient dans le virage. On en a pris un et on a gardé ses papiers. Si bien que ce brave monsieur a dû rentrer chez lui à piller les gendarmes. Tout charmant, amusant. Et toujours souriant quand la gendarme rit dans la gendarme rit. Tous les gendarmes rient dans la gendarme rit. Quand la gendarme rit dans la gendarme rit. Tous les gendarmes rient dans la gendarmerie. Dès le matin pour me faire un petit peu de musculature, avec les copains je mets des sabots aux voitures. À 2 heures pour digérer je mets des contraventions. C'était à Paris il y a plus de 20 ans au mois de mai. On est allés tous ensemble à Saint-Germain-des-Prés. Et avec des étudiants, on a joué à chat perché les gendarmes. Sous charmant, amusant, et toujours souriant quand la gendarmerie. Dans la gendarmerie, tous les gendarmes. Poser une question sur les poils. Mais c'est avec moi, il va être servi. Hein. Bah oui. Oui, vous êtes tombé à la bonne adresse, j'en ai partout, donc voilà. Beaucoup de policiers qui ont des moustaches. J'ai pas de statistiques, mais il faut savoir qu'avant, il y avait la gendarmerie et la police, et avant, la gendarmerie, ils pouvaient avoir la moustache, mais ils ne pouvaient pas avoir de barbe ni de bouc. C'était marrant d'ailleurs. Et depuis la réforme des polices en 2001, où j'ai quelques collègues qui ont le bouc comme moi, moustache, j'en connais un ou deux, mais pas. C'est pas une mode spécialement. On doit parler. C'est pas une mode spécialement policière, je pense pas quoi. Toi. Mais avant 2001, tu avais la gendarmerie, tu avais la police. Et je sais, il y a certains ex-gendarmes, parce que moi je suis police communale au départ, mais ex-gendarmes qui m'ont dit qu'avant 2001, ils ne pouvaient avoir que la moustache. Ils ne pouvaient pas avoir de barbe ni de bouc comme moi j'ai, c'est-à-dire qui entoure toute la bouche. Tu vois, C'était comme ça, c'était le règlement d'ordre interne. À la police, par contre, on n'a jamais eu ce problème-là, police communale. Puisque moi, j'ai eu mon bouc quand j'étais à la police communale, on ne m'a rien dit, quoi. Voilà. Maintenant, au niveau des poils, il faut quand même... J'ai rarement vu, à part ceux qui travaillent en civil et autres, mais il y a encore dans certains commissariats, enfin, certaines régions, mais normalement, on ne peut pas avoir les cheveux plus longs que ceci et cela, enfin, des choses comme ça, donc il faut quand même une certaine tenue qui correspond, disons, je dirais... Le policier doit toujours correspondre plus ou moins à la aller au monde qui l'entoure, quoi, je veux dire. Moi, j'avais les cheveux jusque-là quand j'étais jeune. Je me vois mal avec les cheveux jusque-là. Moi, je me vois bien, mais la police ne me voit pas comme ça. Voilà, donc, voilà. Et puis, on évolue, de toute façon, on vieillit. Alors, au niveau sirène, mais attention, parce que... Attention aux oreilles, hein. Sirène que vous entendrez toujours pour les véhicules de police. En fait, sur les combis, on a plusieurs styles de sirènes. On a cette sirène-là. Ça, c'est la sirène police que je t'ai fait écouter. C'est celle que, normalement, on devrait mettre tout le temps. Sur les combis, sur les gros combis, on a des sirènes qui, moi, je dis, c'est une sirène de pompier ou une sirène d'ambulance. On les a aussi. Ce qui fait que, parfois, quand il y a des gens qui interviennent, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la sirène qu'ils ont, et si elle est mal mise, ben, on dirait une ambulance, on dirait des pompiers, alors que la sirène police, c'est bien celle-ci. Il y a juste une petite différence. Il y en a une qui fait un pimpon, je dirais. Moi, je dis toujours, tiens bon, tiens bon, tiens bon. C'est la sirène de l'ambulance. Et la nôtre est un peu plus comme celle-ci. Je fais écouter encore ou pas? Oui. Allez, un petit coup. Voilà, je sais la bloquer, bien sûr. Donc, je sais. Voilà, j'ai même un micro. Ça, c'est très pratique. Rangez-vous sous le côté, alors ben voilà. Et donc soit il se range, soit il ne se range pas. S'il ne se range pas, on continue. Quand on met la sirène et qu'on est à l'intérieur, c'est toujours mieux d'être à l'intérieur et de fermer les fenêtres. Non, mais ça fait très mal aux oreilles. Dans les combis, justement, en été, dans les combis, quand on a ça ouvert ou quoi, maintenant, ils ont mis l'airco dans toutes les voitures, mais il y a 15 à 18 ans, ça, il n'y a pas toujours de l'airco. Alors, on avait souvent nos fenêtres ouvertes, et puis on met la sirène, et bien là, parce qu'on entend un tout petit peu à l'intérieur, plus sur ce qui est situé sur le toit, et donc c'est carrément infernal, quoi. On se comprend bien, d'ailleurs, qu'en ville, on avait ça souvent. À un certain moment, on arrivait et on coupait la sirène, parce qu'il y avait des gens avec des enfants, et donc ça fait vraiment très mal aux oreilles. Et des fois, alors, on coupait un peu la sirène et on mettait que le bleu, quoi. Je trouve que c'est plus pratique de mettre le bleu que les sirènes. Oui, mais si tu ne mets que le bleu... Déjà, quand tu mets le bleu et la sirène, il y a des gens, hein, je ne vais pas dire le terme, des gens idiots, oui, voilà, ça c'est correct, hein, qui ne se rendent pas compte et qui s'imaginent, comme le vieil adage le dit, hein, « Ah, ça y est, ils vont chercher des frites », non. On travaille aussi, hein, et on peut être embêtant, on peut mettre des PV, mais on peut aller aussi sauver des gens. Et quand on met le bleu et la sirène, c'est qu'on doit aller sur une intervention urgente. Quand on met le bleu et la sirène, t'as des gens qui ne s'arrêtent pas, qui ne se bougent pas, qui ne te laissent pas passer. Parce que, on s'en fout, tu vois. Alors si on mettait que le bleu, ben, ils nous laisseraient encore moins passer. Donc on est obligé de mettre le bleu et la sirène. Le jour où tout le monde fera attention au fait qu'on a le bleu et que donc c'est une urgence et qu'on n'aura plus besoin de mettre la sirène parce qu'on passe, je sais pas moi, dans la chaussée de Gand, je parlais de Molbé, puisque je suis Molbé quoi, donc la chaussée de Gand, il y a toujours plein de monde qui marche et tout et compagnie, et bien qu'on n'a pas spécialement mettre la sirène pour pas crever les tympans de tout le monde, c'est bien, on mettra que le bleu, mais alors il n'y aura plus personne qui nous laisse passer. Donc on est obligé de mettre les deux. Moi je trouve ça logique. Oui, ben oui, voilà. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça logique? Je trouve ça logique qu'on avertisse qu'on arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où on doit aller rapidement. Il y a des gens qui sont parfois, il y a des attaques. Les gens qui sont chez eux, qui sont attaqués ou autres, ou qui sont en danger. Et donc, on doit pouvoir aller très vite. C'est la même chose pour les pompiers et pour les ambulances. Et pour la protection civile, mais dans une autre mesure, puisqu'eux interviennent en général plus tard, par après. Mais c'est vrai qu'il y a des urgences et donc c'est logique de mettre la sirène et c'est logique de nous laisser passer quand on met le bleu et la sirène. Et qu'il n'y en a pas qui croient encore que c'est pour aller plus vite, arriver plus vite chez nous ou pour rentrer plus vite à la maison. C'est strictement interdit. Comment vous savez qu'il faut intervenir? Comment je sais qu'il faut intervenir? Ben soit on nous appelle Donc ça, c'est le 101, appel au 101. Le 101 nous envoie un message, nous contacte par radio. Des radios que je t'ai parlé tantôt, il nous dit, voilà, il y a ça qui se passe à tel endroit, allez sur place, il nous envoie en mission. Ça, c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. Et si moi, je suis en quartier, puisque je fais du agent de quartier, si je vois quelque chose de suspect, je sais les gens qui sont partis en vacances. Hein. Donc si, par exemple, je vois dans une maison qui est censée être inoccupé, je vois quelque chose qui bouge dans la maison qui n'est pas normal, ben j'interviens d'office. Je ne sais pas très qu'est-ce que c'est agent de quartier. Donc un agent de quartier, c'est quelqu'un qui travaille plus, allez, plus proche de la population, moins en, pas du tout même en intervention, donc il s'occupe des petits tracas dans un quartier défini. Donc on va s'occuper des différents voisinages, des problèmes de chiens qui aboient, des choses comme ça. Maintenant, on peut aussi surveiller, bien sûr, les maisons inoccupées, et on peut faire d'autres choses, mais c'est surtout le contact avec les gens. Puisque ceux qui font les interventions, eux, ils ont une intervention. Par exemple, sur Bruxelles, ils en ont beaucoup plus que chez nous. Hein. Donc, sur Bruxelles-Ville, je parle de Bruxelles tout, Bruxelles, hein, les 19 communes, ils ont à peine, quand moi j'étais à Molenbeek, j'avais une intervention, on arrivait pour un vol, on constatait le vol, on avait à peine terminé qu'on nous appelait déjà pour autre chose. Et donc on allait directement, donc on n'a pas le temps de parler avec les gens en intervention comme en agent de quartier. Quand moi je vais faire un dossier, cet après-midi j'ai un dossier, ben je vais parler à la personne, moi je peux prendre, si je reste une demi-heure, 20 minutes, il n'y a pas de problème, j'ai le temps de parler avec elle. En intervention, c'est déjà moins facile pour eux de se permettre de parce qu'il y a des interventions qui restent en attente. Quoi. Micro-trottoir de la police. David, c'est quoi un micro-trottoir? Un micro-trottoir, c'est quand on parle aux gens. N'importe où dans la rue, on se promène, on va interroger des gens et les gens doivent répondre à des questions. Alors écoutons ça. Bonjour, comment vous appelez? Moi, je m'appelle Arnaud. Vous faites quoi dans la vie? Je suis architecte chercheur en fait, ingénieur architecte chercheur. Est-ce que vous avez déjà connu des histoires agréables avec la police? Des histoires agréables? Oui. Ben oui, dernièrement justement, il y a quelques jours, j'ai eu un problème avec quelqu'un qui habite dans la maison juste à côté de chez nous, qui n'allait pas bien du tout. Et j'ai dit au policier, je crois qu'il va pas bien du tout et qu'il va peut-être faire des bêtises. Et ils sont venus quasiment tout de suite. Et je crois que ça va l'aider lui et ça nous a aidé nous, donc oui, parfois on a des trucs positifs avec la police. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire désagréable avec la police? Ouf, désagréable avec la police. Peut-être quand ils t'arrêtent et que tu crois que t'es innocent et qu'en fait ils t'ennuient et que t'as pas le temps et... Est-ce que vous avez déjà eu une amende ou quelque chose comme ça? Ouais, une amende pour être mal parqué, oui, par exemple, ou parce que je roulais trop vite. C'est tout? Oui. Mais je pense qu'elle, elle a quelque chose de négatif sur la police. Oui, j'ai une chouette histoire, là. Ouais. Comment vous appelez? Je m'appelle Birgit Parala. Vous faites quoi dans la vie? Je suis fleuriste, j'ai un magasin fleurs à Louvain-la-Neuve. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, j'aime bien. Est-ce que c'est gai de vendre des fleurs, de discuter avec des personnes? Ah oui, oui, oui, c'est très chouette. Je vais pas vous ennuyer, mais on fait un truc sur la police. Avez-vous déjà vécu une histoire agréable avec la police? Agréable, je me souviens pas tellement maintenant. Non, je crois pas. Avez-vous déjà eu une histoire désagréable avec la police? Oui, là je me souviens. Et, un jour en face de mon magasin, c'était une groupe de jeunes qui sont arnaqués de gens qui se baladent sur la rue. Ils sont collectés des sous pour une bonne raison, pour aider des enfants par exemple, mais c'était inventé, c'était pas vrai. Parce qu'après quelques jours, j'avais un autre policier au magasin qui me demandait si j'ai découvert quelque chose comme ça dans la rue. J'expliquais la situation et il m'a dit qu'il cherche cette sorte de gens déjà longtemps. Et si je les revois, je dois téléphoner à ce numéro-là qu'il m'a donné. Et donc c'est ça qu'est-ce que j'ai fait. Quelques jours après, j'ai vu cette chambre nouveau dans la rue qui sont arnaqués des gens. Je téléphone à la police et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à 5, tous avec leur uniforme, bien pour dire « Coucou, on est la police et on cherche des gens qui sont arnaqués des gens ». Et évidemment, les gens sont tout de suite arrêtés pour faire leurs bêtises parce qu'ils ont tout de suite vu c'est la police. Et donc c'était pas très malin, je trouve, de la part de la police. Et voilà, c'était mon histoire avec la police. C'était très intéressant ce micro-trottoir de la police. Bon Dieu, comment vous appelez? Julien. Que vous faites dans la vie? Ben, je suis peintre, je travaille à l'IRSA. Est-ce que vous avez une histoire désagréable avec la police? Ouais, plusieurs fois, oui. Malheureusement. Malheureusement, c'est pas toujours facile. Ouais, voilà, effectivement. Vous pouvez raconter votre histoire ? J'ai déjà été contrôlé par la police plusieurs fois parce que j'avais pas mis mes phares, par exemple, ou des trucs comme ça. Bon, oui, je sortais d'un emplacement au parking de mon copain et il se demandait qu'est-ce que je faisais. Donc, alors ils m'ont arrêté, ils m'ont contrôlé, ils m'ont fouillé complètement. J'avais pas d'airbag, j'avais pas de contrôle technique. Donc, voilà, ils m'ont fouillé complètement, ils ont cru que j'avais de la drogue sur moi et finalement ils ont rien trouvé, ils m'ont laissé partir. Quoi. Racontez-nous une histoire agréable avec la police. Une histoire agréable avec la police ? C'est quand même pas compliqué comme question. Hein. Ils sont pas très agréables ces derniers temps, je trouve. Ouais, je sais pas, je suis désolé, j'ai pas vraiment des trucs agréables à propos de la police, quoi. Je les porte pas très dans mon cœur, donc... Désolé. Micro-trottoir de la police. Bonjour, comment vous appelez ? Je m'appelle Marisa. Et que vous faites quoi dans la vie ? J'étudie l'archéologie. Avez-vous déjà eu une histoire agréable avec la police ? Ouf, non, pas que... Enfin, j'ai jamais eu d'histoire avec la police. Est-ce que vous aimez les policiers ? Ils sont gentils, généralement. Avec moi, en tout cas, ils ont toujours été corrects. Racontez-nous une histoire agréable avec la police. Un jour, on a eu un problème de papier de voiture. Et ils ont été tout à fait compréhensifs. Ils nous ont pas arrêtés ni rien. Ils nous ont juste dit de mettre tout en ordre. Et ils ont été très, très gentils, finalement. Avec ma mère et mes sœurs. Un problème de carte verte, je crois, qui n'était pas en ordre. Ah oui, c'était peut-être le contrôle technique aussi. Problème de contrôle technique, voilà. Et finalement, ils ont dit de remettre en ordre, c'est tout. C'était la police de Waterloo. Est-ce que vous aimez voir la police passer dans les rues ? Est-ce que ça vous dérange pas trop ? Non, ça ne me dérange pas trop de voir la police passer dans les rues. C'est sécurisant, peut-être. Plutôt, c'est un bon signe. Mais je me dis que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison et que peut-être qu'ils nous protègent de tout ce qui pourrait arriver, finalement. Un jour, je marchais dans la rue et j'ai failli tomber. Heureusement qu'il y avait la police sont mes amis, je les aime très fort. Après je me suis relevé et j'avais pas trop mal. Alors j'ai dit merci au policier, il m'a dit de rien. C'est normal, la police sont mes amis. La police sont mes amis. Je les aime pas. Micro-trottoir de la police. Monsieur, comment vous appelez ? Damien. Vous faites quoi dans la vie ? Je fais de la recherche à l'université. J'ai eu récemment deux histoires avec la police. J'ai eu une agression la semaine passée. Donc j'ai eu contact avec les policiers qui sont venus voir qu'est-ce qui s'était passé, si on pouvait identifier les personnes qui avaient fait l'agression. Et après j'ai aussi eu contact avec la psychologue de la police qui m'a appelé pour savoir si j'allais bien, si j'osais toujours aller dans la rue, si j'avais pas trop de problèmes de santé et tout ça. Donc ça, c'était la première histoire que j'ai eue. Et alors, le soir même, j'ai eu un autre contact avec la police parce que j'étais chez moi dans mon appartement et j'ai entendu quelqu'un qui criait dans la rue très fort, dans toute la rue, mais j'habite près d'un grand boulevard donc, où il y a des trams qui passent et tout, donc je m'inquiétais un peu pour ce monsieur. Et donc j'ai appelé la police qui est venue voir exactement qu'est-ce qui se passait. Ils ont réussi à calmer le monsieur qui avait en fait bêtement fait cramer son ordinateur de boulot Il s'était énervé très fort, mais il n'y avait pas d'autres problèmes. Est-ce que ça vous dérange d'entendre des sirènes de policiers dans la rue ? Mais j'habite sur un grand boulevard où j'entends tous les jours beaucoup de sirènes sur le boulevard. Donc au début, ça me dérangeait. Maintenant, je me suis habitué. Et si jamais il y a des sirènes, c'est qu'il y a des problèmes. Donc c'est normal qu'elles soient là. Est-ce que c'est désagréable ? Non, non, ça, pas spécialement. Moi, ça ne me dérange pas, en tout cas. Est-ce que vous aimez les policiers ? Ben, ceux à qui j'ai eu contact, en tout cas dernièrement, étaient très sympathiques, très professionnels. Oui, j'ai bien aimé le contact avec eux. C'était des policiers de quel côté ? Essentiellement de Bruxelles, donc la police de Bruxelles. Raconte-nous l'histoire en détail que tu as eue avec la police. Donc l'histoire qu'il y a eu pour que j'aille à la police, c'est que je me trimballais normalement dans la rue et j'écoutais ma musique avec un casque et à un moment donné par l'arrière une personne qui m'a agressé comme ça pour avoir quelque chose, il voulait absolument quelque chose. Moi je lui ai donné mon MP3 que j'écoutais et ensuite il est revenu, il me l'a rendu, il m'a dit désolé et puis il est parti en me demandant de ne pas appeler la police. J'ai quand même fait. Tu l'as quand même fait, mais est-ce que la police a intervenu sur le moment que celui qui t'a agressé par derrière, est-ce que... Non, non. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, je rejoignais un copain, donc je l'ai rejoint. Et puis là, en me remettant un peu de mes émotions, je me suis dit que c'était quand même important d'appeler la police parce que c'est pas normal que des gens agissent comme ça gratuitement. Je trouve que vous avez raison d'appeler la police quand c'est comme ça. Est-ce que tu as reçu aussi des coups ? Oui, donc j'ai reçu quelques coups à la tête, mais essentiellement que dans la tête. Pourquoi ils te rappaient ? Peut-être qu'ils voulaient quelque chose ? Là, moi j'ai donné mon MP3, mais peut-être qu'ils voulaient de l'argent ou je sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que je marchais et donc ils ont d'abord donné les coups avant de demander quelque chose. Est-ce que sur ce fait-là, vous auriez dû appeler la police avant qu'ils vous frappent ? Ça aurait été un peu mieux, non ? Oui, mais sauf que je n'ai pas eu le choix parce que je me doutais pas qu'il allait se passer cette chose-là. Est-ce que tu t'es défendu ? Non, je ne me suis pas défendu. Je n'ai même pas pensé à me défendre. Il vaut mieux se défendre. Oui, sauf que là, ils étaient beaucoup plus que moi, donc un contre beaucoup. On ne sait pas toujours se défendre. Et si ça devrait t'arriver, qu'est-ce que tu ferais de différent ? Je pense que j'ai tellement su rien faire que j'imagine que si c'était exactement la même situation, je serais de toute façon rien faire. Mais peut-être appeler plus vite la police pour qu'ils essaient, pour essayer de les retrouver directement après l'agression. Mais la police, pourquoi tu n'as pas appelé la police avant qu'il y ait eu l'agression ? Et parce que je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, donc je ne pouvais pas prévoir. Je ne pouvais pas savoir qu'ils allaient faire ça, donc je ne pouvais pas appeler la police. Ah, c'est un peu dommage. Est-ce que vous aimez les policiers ou est-ce que vous ne les aimez pas ? J'aime bien les policiers, tant qu'ils ne me font pas de mal à moi ou qu'ils font bien leur boulot, je les aime bien. Apparemment, vous êtes allé voir la police. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Ils nous ont tout montré, moto, sirène, radio. Et les prisons, la cellule de prison. Il y en avait que deux. Oh non, on est rentré dedans pour voir. Ah oui, ça, rien que le bruit métallique. Ah. Alors ça, voilà. C'est le problème là, ils ont déjà réparé et tout, mais c'est un problème de... J'ai mis de l'eau tantôt, mais il faut en remettre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde qui vient, puisqu'il y a le commissariat central, qui est muni de cellules, qui sont quand même plus modernes. Ça, celles-ci sont assez anciennes. Il y a une toilette et il y a un endroit pour se coucher. Ils peuvent recevoir une couverture, ça dépend bien sûr toujours de la personne. Hein. J'ai déjà eu des gens ici, même à Rixensart, tout et n'importe quoi, et donc il y en a même qu'on devrait mettre presque tout nu, entre guillemets, pour éviter qu'ils se fassent du mal, parce qu'il arrivait presque à se faire du mal avec ses vêtements et tout, et donc là on ne met pas de couverture. Mais normalement, si la personne est correcte, même s'il est un peu énervé, on lui donne une couverture, bien sûr. Les toilettes, elles sont dans toutes les cellules, de toute façon, partout. Donc, quand ils rentrent en cellule, normalement, on ne laisse pas les menottes, bien sûr. Mais pourquoi on ne laisse pas les menottes ? Il y a 90% des gens qui, quand ils sont en cellule, se calment. Parce que ça calme. C'est le but aussi recherché, quoi. Et malheureusement, les 10% qui restent, eh ben, là, on doit parfois les entraver parce que y en a qui... Mais il faut se rendre compte, il y en a qui sont vraiment du mal. Hein, donc. Et au nouveau commissariat, il y a des caméras de surveillance et tout dans les cellules pour justement voir si jamais il arrive quelque chose et autres. Parce qu'il y a des gens qui sont... Une fois qu'ils sont là, ils sont tout calmes. On leur donne même 2-3 couvertures s'il fait un peu froid. Ils dorment et puis le lendemain, c'est des anges. Souvent, ça arrive comme ça, quoi. Je connais des gens, mais ça c'est des spécialistes. Le soir, quand ils ont un peu, ils sont complètement agressifs et le lendemain, ça peint s'ils vont pas boire un café avec moi. Hein.